Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation pour deux heures de bon rock progressif. On va faire une rétrospective du rock progressif depuis le renouveau du rock progressif, si on veut, dans cette émission-là, à partir du début des années 90, aller jusqu'à aujourd'hui, et souligner un peu un paquet de musique qu'on vous a fait jouer dans les 12 ans de cette émission, qui se poursuit d'ailleurs à la saison d'été, qui débute la semaine prochaine. Et d'ailleurs, vous êtes invité au lancement de la programmation lundi de 3 à 5, et ensuite, il va y avoir le Galaxy KRL au Bal du Lézard. Et oui, parlant de bonne musique, on a eu le Festival Terra Incognita la semaine dernière. On est encore sur le high, si on veut, si on peut s'exprimer de cette façon-là. C'était vraiment excellent. Je pense que les gens qui étaient là ont adoré leur fin de semaine. Nous de même. Merci à Michel Bilodeau, encore une fois, d'avoir organisé ce superbe événement. On avait RPVL, la première soirée, qui faisait The Man and the Journey. On avait le lendemain Inner Odyssey, qui ont présenté une nouvelle dynamique avec les nouveaux membres. Abel Gans, de l'Écosse, et RPVL qui présentaient leurs pièces. Il y avait également Kinetic Element le lendemain. On a eu Unreal City qui ont fait un tabac encore une fois, et on en écoutera une pièce ce soir. Et on aura également d'autres disques que Bruno s'est procuré, donc puisque c'est aussi l'occasion, en plus de rencontrer les musiciens, d'acheter des disques et de fouiller dans un paquet de disques qui sont offerts. Et on aura ça ce soir. Parlant de spectacle, cette semaine, n'oubliez pas d'aller voir Peter Hamill. Si vous êtes de Montréal, vous allez au Club Soda mercredi soir. Si vous êtes à Québec, vous allez à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou pour voir Peter Hamill. Et manquez pas ça parce que il vient pas souvent. Et reviendra-t-il? On ne le sait pas. Et ensuite, vendredi, Victor K., de Montréal, à Ninkasi du Faubourg. Il y aura également des Asylum Factory en première partie à partir de 19h. Donc, ça, c'est ce qui se passe cette semaine. Après ça, c'est la petite pause estivale. Nous, on est avec vous. Alors, on débute en musique avec ce qui a été, moi, le coup de cœur du renouveau progressif Anecdoten de la Suède et leur superbe album V-Mod paru en 1992. Il était venu faire un tour au bar Le Dauteuil en spectacle. On ira à la pièce Wheel. Ensuite, Il Castello di Atlante, qui est un groupe qui a débuté également en 92 en disque, mais ils ont débuté en 74 à jouer ensemble. Mais donc, on ira avec l'excellent album Tra le Antiche Mura, et également Mystery, un groupe d'ici, un groupe de Montréal, avec The World is a Game, un extrait de ça. On y va tout de suite, Anecdoten. We'll be right back. più strana, a volte ridi, altre no. Queste vicende oscure sono la storia che è dietro di noi. Scegli di andare avanti, speri di non mollare mai, ma il prezzo da pagare sono le note che non suonerai. Sono la storia che è dentro di noi, ma la passione forte brucia il fuoco dentro te, è una marea che sale, cambia la vita che hai scelto per te. Ancora suona. tries to hold on to his pride. I thought you would be by my side.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Quand on a 19 ans, on peut acheter de l'alcool légalement. On peut aller voter. Ça fait un an qu'on a 18 ans. On peut entrer sur les sites qui nous demandent si on a 18 ans et plus. On est né en même temps que La Barberie. Mais quand on a 19 ans, on peut être une entreprise en pleine croissance. On peut être un acteur important de l'économie sociale de Québec. Quand on a 19 ans, on peut déjà faire partie de l'histoire. Et on peut rêver aux belles années qui s'en viennent. Quand on a 19 ans, on a hâte à l'année prochaine. La Barberie, 19 ans, bientôt 20. Redécouvrez le vieux Québec à la tombée de la nuit. Du 26 mai au 11 juin, du jeudi au samedi, dès 21h, le Carrefour international de théâtre présente « Où tu vas quand tu dors en marchant ». Cet événement gratuit, unique au monde, vous fera déambuler dans 5 lieux extérieurs, animés par plus d'une centaine d'artistes et d'artisans de Québec. Plongez dans l'univers insolite du spectacle qui déplace les foules depuis 2009. « Où tu vas quand tu dors en marchant », une création du Carrefour international de théâtre, présentée par la Ville de Québec. Vous êtes curieux et souhaitez tout connaître de la nouvelle programmation estivale de votre radio favorite? CKRL vous invite le 30 mai dès 15h30 au Bal du Lézard. Animation en direct, entrevues avec les artisans de la radio et musique seront au menu de ce lancement. À cette occasion, assistez à la remise de prix lors de notre gala annuel. Impossible de vous déplacer? Le lancement sera diffusé en direct sur nos ondes. Ça, c'est cool! 89.1 CKRL. Québec. De retour avec Bruno et Marc pour la deuxième heure de Terra Incognita. Ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était le groupe américain Astra, tiré de The Black Cord, et c'était la pièce titre de cet album. Excellent, excellent groupe qui ont réalisé deux albums, puis là, on n'en a pas entendu parler depuis un bon bout. Je ne sais pas s'ils sont toujours actifs. Juste avant, il y avait eu Introitus de la Suède, tiré de Elements, la pièce Dreamscape. On vous rappelle que cette semaine, il y a Peter Hamill en spectacle à Montréal, mercredi le 1er, et à Québec le 2, à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou. On a également le 3, Vector K, avec The Asylum Factory en première partie. Ça, c'est à partir de 19h à la Ninkasi, vendredi prochain. Le 3, voilà. Et on y va tout de suite en musique avec un bloc concocté avec une nouveauté d'abord, Necromonkey. C'est le projet de Mathias Olsen, qui est le batteur de Anglagard, et David Lundberg, lui c'est le claviériste de Gösta Berlings Saga. Et il y a également avec eux Christian Holmgren. Et c'est leur nouvel album, Show Me Where It Hurts. Et ça vient tout juste de sortir. On écoutera la pièce de Current Beneath de Square Wave. Également, il y aura Duty Free Area, DFA, de l'Italie, tiré de Work in Progress Live, la pièce Escher, et également Unreal City, qu'on a pu voir la semaine dernière au Festival Terra Incognita de l'Italie, Il Paccio del Tramonto, et la pièce Caligari. Yeah.

sul parete imbottite il sangue rosso di ferite senza voce, di anime senza redenzione come te. 할 말 있는 것처럼 가득히 호소하는 눈빛은 날 세면 지고 마는 달처럼 아련히 멀어져가 버렸네. 안타까운 마음 잠깐 기다려줘. 꼭 해야 할 말이 있는 것 같아요. 손에는 땀만 나 할 말도 못하고 가슴만 조이니 답답해. 돌아서 가버리는 그 모습 미련의 꽃내음만 나는데 멍청이 지켜서서 보다간 한숨 쉬며 돌아서 간다네. 안타까운 마음 잠깐 기다려줘. 꼭 해야 할 말이 있는 것 같아요. 손에는 땀만 나 할 말도 못하고 가슴만 조이니 답답해. 기다려줘. 꼭 해야 할 말이 있는 것 같아요. 손에는 땀만 나 할 말도 못하고 가슴만 조이니 답답해. 돌아서 가버리는 그 모습 미련의 꽃내음만 나는데 멍청이 지켜서서 보다가 한숨 쉬며 돌아서 간다네. 안타까운 마음 잠깐 기다려줘. 꼭 해야 할 말이 있는 것 같아요. 손에는 땀만 나 할 말도 못하고 가슴만 조이니 답답해. Vous écoutez CKRL 89.1. Let me fly away with you for my love. Tour Terra Incognita. Et c'était Nina Simone qui nous accompagnait. Et juste avant la pause, c'était un extrait d'une compilation que Bruno s'est procuré en fin de semaine dernière. Prog is not a four-letter word. C'est compilé par Andy Votel for Delay 68. Et c'était de la Corée. San Hui Lim, la pièce Frustration. Donc, juste avant, il y avait eu Unreal City de l'Italie, Il Pace del Tramonto, c'est leur plus récent album, la pièce Caligari. Et ils étaient la semaine dernière au festival Terra Incognita. Ce sont des jeunes talentueux qui vraiment font du bon rock, qui bougent. Et ben, les gens se levaient après entre chaque pièce. Ovation, c'était vraiment bien. D'ailleurs, tous les groupes qui sont passés, c'était vraiment bien. Il y a eu également, j'avais pas mentionné tantôt, Gally Kaplan qui est venu. Et il y a un nouvel album, Morning Sun, qui est très bon. Et son nom ne vient pas. Anton Roulard, voilà, qui était là également, en plus des autres artistes qu'on avait déjà annoncés. Juste avant, il y avait DFA, Duty Free Area, c'était un spectacle, Work in Progress Live, la pièce Escher, on avait eu Necro Monkey. Bon, pour poursuivre, on a un groupe de Québec, Universe Effects, qu'on avait eu en entrevue il y a quelque temps avec Jean-François, puis tiré de In the Haze That Surrounds Us, la pièce Equilibrium. On aura également Mystoria, ce que je connais pas du tout, c'est l'album Amplifier. Ensuite, un autre extrait de la compilation, le Prog is not a four-letter word, et c'est de la Hongrie, et ILLES, ILLES. Et la pièce NEM, je pense que je me risque même pas. Et finalement, on aura des États-Unis, Resistor, tiré de leur excellent album To The Star. Allons-y tout de suite avec le groupe de Québec, Universe Effects.